Samedi 5 octobre 2013, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec M. Philippe Hurteau de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme en deuxième partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monette, c'est votre animatrice qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Vaut-il mieux taxer davantage ou au contraire miser davantage sur les impôts des particuliers, des entreprises pour aller chercher les revenus dont nos gouvernements ont besoin? On en discute avec l'économique Philippe Hurteau de l'IRIS après la chanson « Nos impôts » du groupe Skiphonique. Assis dans ma chaise, j'suis un peu mal à l'aise. Un journal d'en face, puis c'est dégueulasse. Une banque a plus de patron, il part avec 9 millions. Il se casse pas la tête, c'est notre cash qu'on prête. On s'écroule d'un dette, la recette parfaite. Même au fédéral, y'a les fraudes fiscales. Les ministres se font la pièce. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On n'a pas la place. C'était le groupe Schizophonique avec la chanson « Nos impôts ». J'ai avec moi Philippe Hurteau de l'IRIS. Bonjour Philippe Hurteau. Bonjour. Philippe Hurteau, vous êtes politicologue et vous complétez actuellement un doctorat à l'Université d'Ottawa en pensée politique, c'est bien cela? Vous vous intéressez principalement aux mutations de l'État sous l'effet du néolibéralisme, tant par l'analyse des changements apportés au régime fiscal que par l'étude des transformations des modalités d'opération des services publics. Un sujet fort d'actualité, n'est-ce pas? Vos travaux montrent notamment comment, au sein de l'appareil étatique, le recours accru au principe de l'utilisateur-payeur ainsi qu'à des critères de performance pour la répartition du financement induit un biais en faveur des plus fortunés et limite la capacité d'action collective. D'ailleurs, l'IRIS a produit récemment une étude à ce sujet. C'est le premier d'une série d'entretiens qu'on a avec des chercheurs de l'IRIS. Chaque mois, nous aurons l'occasion de revenir sur des questions de fiscalité en lien avec des services publics. Nous avons pensé commencer par une question qui revient souvent depuis quelques années. Vaut-il mieux imposer ou taxer? Il y a le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, qui dans le but d'éviter de taxer le travail, propose de baisser l'impôt des particuliers tout en augmentant la taxe à la consommation. C'est ce qu'il avait déclaré à l'issue d'un forum sur la croissance économique, on se souviendra, que tenait son parti à la fin du mois d'août. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous fassiez un portrait des diverses sources de revenus, juste pour que les gens se placent un peu. C'est quoi finalement les diverses sources de revenus sur lesquelles nos gouvernements, autant fédéral que provincial, peuvent compter? pourrait dire assez simplement, si on commence par l'État provincial, l'État du Québec, hein, c'est l'État qu'on connaît le mieux, qui est le plus proche de nous. Il y a deux grandes sources de revenus, si on peut le dire un peu comme ça. D'un côté, les revenus autonomes, c'est-à-dire les revenus vraiment qui appartiennent à l'État québécois, que c'est l'État québécois qui a un pouvoir de législation pour déterminer des niveaux de revenus. Et de l'autre côté, ben, il y a les revenus qui viennent des transferts fédéraux, donc tout bon, le programme de péréquation, les transferts pour la santé, l'éducation et autres. Au niveau des revenus autonomes, on pense bien entendu spontanément à l'impôt des particuliers, on pense à l'impôt des entreprises. On pense aussi, c'est les revenus qui viennent des entreprises d'État, donc l'Auto-Québec, Hydro-Québec, SRQ et autres. On pense aussi au fonds de services de santé, hein, la taxe sur la masse salariale qui existe au Québec. On pense bien évidemment aussi aux taxes à la consommation, à la TVQ, aux taxes sur l'essence, aux taxes sur l'alcool. Globalement, on voit d'un côté que les revenus dits autonomes représentent environ 53 milliards de revenus par année pour l'État québécois versus 15,7 milliards pour cette année pour les transferts fédéraux. Donc ça, c'est vraiment la structure québécoise. Donc, quand même la très vaste majorité des revenus sont des revenus dits autonomes versus quand même une part non négligeable qui viennent des transferts d'Ottawa. D'un côté, au niveau canadien, c'est un peu le même type de structure, taxe à la consommation, taxe sur les entreprises, impôts sur les entreprises, impôts sur les particuliers. Bien entendu, là, on rajoute certains éléments comme par exemple les tarifs de douane, des choses comme ça qui sont propres à la juridiction fédérale, mais la structure est sensiblement la même au final. Venons-en à la question de départ maintenant. Quelle est la part de l'impôt par rapport à celle des taxes? Avant de venir à la question de départ, quelle est la part de l'impôt par rapport à celle des taxes dans l'ensemble des revenus de nos gouvernements? Bien, au niveau québécois, si on prend juste par exemple l'impôt sur l'impôt des particuliers, cette année, les projections budgétaires parlent de revenus de 19 milliards de dollars provenant de l'impôt des particuliers. On parle de 4,3 milliards pour l'impôt des sociétés. Donc, disons, la catégorie impôt mise ensemble, c'est bon, grosso modo, 23 milliards de dollars de revenus. Sur les taxes 55. À la consommation, elles, de l'autre côté, on prévoit des revenus de 16,4 milliards pour l'année en cours. Donc, on voit que les taxes à la consommation sont pas le principal levier en termes de revenus pour le gouvernement, quoiqu'elles sont loin en avant de l'impôt des sociétés. Mais on voit quand même une certaine tendance non, peut-être pas un rattrapage, mais un rétrécissement de l'écart, tendance qui s'est instaurée dès les années 90, évidemment, avec l'instauration des taxes à la consommation, quoi. Bon, tous les débats qu'on a eu sur la TPS et autres, à ce moment-là, dans les années 90, mais même plus dernièrement, on l'a vu dans le dernier budget québécois, le gouvernement qui a voulu augmenter ses revenus, bon, a fait plusieurs actions au niveau des redevances minières, au niveau de l'impôt, mais aussi travailler, disons, par exemple, en augmentant des taxes, par exemple, sur l'essence, sur l'alcool. Donc, on voit une tendance, comment dire, pas nécessairement à la diminution de l'impôt, mais à une relative stagnation des revenus provenant de l'impôt versus une augmentation de l'importance de la place des taxes dans le revenu de l'État, ne serait-ce qu'au niveau six dernières années, quand au niveau fédéral, il y a une diminution de la TPS, bon, au niveau provincial, il y a une augmentation de la TVQ. On peut dire que la table est mise, en quelque sorte. Maintenant, on peut se poser la question des avantages et des inconvénients des taxes par rapport à l'impôt. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par les impôts, peut-être? Bien, en fait, c'est que l'avantage est très simple, l'avantage de l'impôt. C'est une question de répartition, une distribution des revenus. Parce qu'au final, pour financer un service public, hein, un hôpital, une école, le fonctionnement de l'hôpital ou de l'école, qui soit financé à travers un système d'impôt, un système de taxation, ça change pas grand-chose à la vie de l'organisation des services publics. Ce qui est important, par exemple, avec le code de l'impôt, c'est que un système d'imposition progressif comme le nôtre, proportionnel aux revenus, prend acte de la structure inégalitaire du marché du travail, de la structure inégalitaire de la répartition des revenus sur le marché du travail, et se dit, bon, à défaut d'attaquer ce problème-là frontalement, c'est-à-dire assez de construire un marché du travail plus égalitaire avec une meilleure répartition juste des revenus, donc des écarts de rémunération moins importants, ben on va, disons, attaquer ce problème social-là de côté, si je puis dire, ou non pas à l'entrée, mais à la sortie, en disant, bon, au moins, on va imposer différemment les gens en fonction de leurs revenus pour, justement, financer les services publics, mais faire en sorte que ça soit les gens qui ont une meilleure capacité de payer qui financent les services publics, parce que, bien entendu, par les taxes à la consommation, ben tout le monde paye les mêmes taxes, peu importe son revenu. On paye tout le même taux de TPS, le même taux de TVQ, n'est pas le cas avec l'impôt. Donc, l'avantage de l'impôt, ce qui est comme le miroir du désavantage de la taxation, c'est précisément cette question de répartition-là, se dire, bon, oui, on va être capable de financer nos services, mais on va être capable de financer ou d'organiser, de moduler ce financement-là en fonction de la capacité de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Je vais me faire l'avocat du diable. Certains prétendent que, en fait, la taxe est plus juste parce que c'est proportionnel aux dépenses. Qu'est-ce qu'on peut répliquer face à ça? Ben, en fait, la taxe est plus juste parce qu'elle est proportionnelle à la dépense. Bon, d'abord, le niveau de dépense de chacun n'est pas égal parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent, qui peuvent dépenser beaucoup plus. Il y a certaines taxes tout à fait, adéquates quand vient le temps de taxer les dépenses, mais ça, c'est surtout quand on considère que certaines dépenses sont négatives ou sont nocives ou sont excédentaires. Pensons instaurer un système de taxation à la consommation qui ne s'applique pas bêtement sur tous les produits ou la très vaste majorité des produits, mais qui cible certains produits, soit des produits polluants, les SUV et autres, ou à l'inverse, des produits de luxe, je sais pas moi quel diamant, quel écran plasma ou je ne sais trop quoi, qui dit, ben d'accord, vous voulez vous payer ces produits qu'on ne juge absolument pas essentiels, d'accord, mais là, on peut dire, on vous impose une taxation aussi parce qu'on considère que ces produits-là causent des dommages à long terme pour l'environnement ou pour la cohésion sociale. Donc, après ça, l'impôt est plus juste parce que le problème d'inégalité, c'est pas un problème de consommation. Parce que si on taxe en fonction de la consommation des gens, bien entendu, les gens qui gagnent moins vont être taxés moins, mais certainement, au sortir ou à la fin de la journée qu'on fait les comptes, on va aussi certainement avoir moins de services à faire. Et il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de transferts qui se passent par l'impôt. C'est-à-dire qu'il y a des transferts directs en termes de indirects en termes de services, mais directs aussi en termes de d'argent qui permet d'augmenter les revenus de certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se payer parce que justement, par l'impôt, on peut aller faire carrément une ponction fiscale, hein, c'est ça le terme, pour réussir à opérer un transfert, pour faire en sorte que les gens, souvent les gens plus pauvres, les gens de famille monoparentale, puissent voir leurs revenus après impôt augmenter. Ça, c'est vraiment intéressant de voir quand on voit graphiquement l'effet de l'impôt sur des familles types, c'est voir comment, surtout pour les familles, disons, à 20 000 $ et moins, surtout les familles monoparentales ou même les familles avec enfants, c'est voir comment, une fois que l'impôt passe, des revenus très bas, mais une fois que l'impôt passe, on voit vraiment un coup de pouce très notable. Et ça, c'est précisément l'impôt qui permet de faire ça, et c'est pas la taxation. Là, il y a Philippe Couillard, que je mentionnais tantôt, qui a prétendu que la tendance mondiale est à taxer davantage tout en diminuant les impôts. On sait que, de son côté, le Parti québécois a ajouté deux nouveaux paliers d'imposition pour les revenus plus élevés dans le dernier budget du Québec. Là, en termes de tendance, on sait plus trop qui a raison. Peut-être avant de répondre, pourriez-vous nous expliquer la notion de palier d'imposition? Le palier d'impôt, c'est très simple. Hein? Souvent, on peut prendre un exemple pour l'expliquer. Disons que, je sais pas moi, j'ai un revenu de 60 000 $ par année. Donc là, je vais voir le système d'impôt juste au Québec. Bon, un revenu de 60 000 $ par année, normalement, je suis censé être imposé à 20 %. Donc les gens disent, ben voilà, je fais 60 000 $, je suis imposé à 20 %. Ça fonctionne pas comme ça parce que justement, il y a des paliers dans le système d'imposition. On sait que de 0 à plus ou moins 10 000 $, il y a ce qu'on appelle une exemption de base. C'est-à-dire que les revenus qu'on fait de 0 à 10 000 $, ils sont pas imposés. Ils sont libres d'impôt. On touche 100 % du revenu. De 10 000 à 41 000 $, les gens sont imposés à 16 %. De 40 000 à 80 à 20 %, de 82 000 à 100 000 à 24 %, et le nouveau palier d'impôt du dernier budget, c'est les 100 000 $ et plus, eux sont imposés à 25,75 %. Ce qui veut dire, pour reprendre mon exemple de si je gagne 60 000 $, de 0, disons de 10 000 à 40 000 $, cette fraction-là de mon revenu va être imposée à 16 %. Et la fraction qui va de 40 000 à 60 000, cette fraction-là va être imposée à 20 %. Donc, les gens, même les gens à haut revenu qui disent souvent « je suis imposé à 50 % de mon revenu », c'est soit parce qu'ils méconnaissent le système d'imposition ou parce qu'ils sont malhonnêtes, parce que personne n'est imposé à 20 %, à 50 %. C'est un peu le taux effectif. Le taux effectif est toujours plus bas que le taux réel, parce que justement, même si je fais 110 000 $, mais je ne vais pas être imposé à 25,75% au provincial sur l'ensemble de mon 110 000 $ mais uniquement sur la petite tranche qui va de 100 000 à 110 000. Donc ça, on a vraiment et au fédéral, c'est bon, c'est pas les mêmes montants puis les mêmes paliers, mais c'est la même logique qui fonctionne, c'est-à-dire vraiment une logique qui fait augmenter le taux de contribution le pourcentage d'imposition au fur et à mesure qu'on augmente dans le revenu. C'est une précision importante. Effectivement, il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, c'est très facile dans le domaine des impôts. Là, en ce qui concerne la tendance mondiale, est-ce qu'elle est vraiment à la diminution, à l'augmentation des taxes, à la diminution des impôts? Bien, là-dessus, effectivement, la tendance mondiale n'est pas du tout au recours à l'imposition comme mode de financement de l'État. Ça, c'est l'effet des 35 dernières années d'hégémonie, de domination néolibérale qui vise précisément l'individualisme qui est consubstantiel au néolibéralisme, cette vision de l'individu qui doit mériter sa richesse par son travail et qui doit donc vivre par et pour lui-même. Bien entendu, l'impôt qui est plutôt un mode d'organisation fiscale qui met de l'avant une existence en communauté, une certaine vision aussi d'une justice distributive et c'est un peu l'ennemi principal à abattre de peu près tous les gouvernements néolibéraux des 30 dernières années. Donc, on voit une tendance, souvent, oui, aux baisses d'impôts ou à tout le moins à un certain maintien du statu quo. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'on veut augmenter les revenus, ben, on est beaucoup plus tenté d'avoir recours aux taxes, aux tarifs. On l'a vu au Québec depuis 2010, tout le débat sur la fameuse révolution tarifaire de l'ancien ministre des Finances, M. Bachand, c'était vraiment pour dire, ben maintenant, ce qui est dans l'air du temps, c'est taxé, c'est tarifé, mais ça, c'est pas non plus une donnée brute qu'on prend pour soi, comme M. Couillard essaie de nous faire dire. C'est un peu ça, toujours le même truc dans ce genre de débat-là, c'est qu'on essaie de convaincre les gens qu'il y a une seule option, une seule voie possible, c'est la voie, disons, de la tendance mondiale, et la tendance mondiale est effectivement, pour le dire un peu bêtement, aux politiques fiscales de droite. Après ça, on peut dire, et ça, c'est pas uniquement au Québec, mais ça aussi, c'est au niveau de dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque État, est-ce que cette tendance mondiale-là profite aux populations ou elle n'est pas plutôt que le reflet d'une nouvelle de la mainmise des secteurs financiers et des secteurs, beaucoup de l'économie extractive dans le cas québécois, sur la définition des priorités politiques des gouvernements. Parce qu'on pourrait ça, juste un exemple, quand on dit que les plus riches sont très, très taxés, très imposés, depuis 1998, le taux effectif des gens appartenant au 1%, le taux effectif d'imposition des gens appartenant au 1% des revenus les plus élevés au Québec, ben ce taux-là est passé de 37% à 30,5%. Donc, une diminution importante du taux d'imposition réel, là, pas le taux sur papier, mais le taux d'imposition réel, l'argent que ces gens-là doivent payer en impôts. Donc, après ça, dire la tendance mondiale, c'est précisément de continuer de faire ça, c'est-à-dire les gens qui ont des hauts revenus, défiscaliser leurs revenus, parce que c'est souvent des revenus, oui, des revenus de salaire, mais des revenus de placement, des revenus d'investissement. Donc, c'est tous les revenus qui sont souvent défiscalisés. Pensons à l'exemption sur les gains en capital, qui permet de mettre à l'abri de l'impôt 50% de ces gains en capital, sans même devoir les imposer. Donc, la tendance, M. Couillard a raison, mais là, la question de savoir est-ce que cette tendance-là est bénéfique pour la construction d'une société plus juste, plus équitable, ou même pour une recherche d'un minimum, d'une cohésion sociale minimale, là, la question est plutôt à l'inverse, parce qu'on voit que la tendance, et ça, c'est encore là, la tendance mondiale, finalement, oui, est à la baisse des impôts, à la défiscalisation des revenus des plus riches, mais elle est aussi à l'augmentation des inégalités, ce qui mine à terme la capacité d'une société à vivre en paix avec elle-même minimalement. Donc, même, on pourrait dire à l'inverse, ce qui serait à faire présentement, si si on met de côté les défis, disons, de type environnemental, un des grands défis des sociétés occidentales, c'est comment répondre à cette tendance aux inégalités. Tendance aux inégalités qui se voient au niveau des revenus, qui se voient au niveau des relations hommes-femmes, ou même des relations, disons, entre les gens qu'on appelle de souche versus les gens issus de l'immigration. Il y a des tendances généralisées au creusement des écarts inégalitaires. Et ça, si on se replace sur le débat fiscal, qui ne peut pas tout régler les problèmes, mais qui peut quand même aider un peu, on se dit présentement, le meilleur outil qu'on a entre les mains, c'est certainement de remettre en valeur, de remettre de l'avant des politiques et des objectifs de mise en place de politiques fiscales qui visent à répondre aux problèmes sociaux. Parce que c'est précisément ça l'enjeu d'un système fiscal. C'est oui, on veut financer nos services publics d'un côté, mais on veut les financer en même temps en essayant de contrebalancer un des plus gros problèmes des politiques néolibérales des 30 dernières années, qui est le creusement des inégalités, finalement. Il nous reste à peine une minute, le temps passe très vite. Peut-être en terminant, revenez, vous l'avez déjà évoqué sur l'importance de la fiscalité progressive. Malgré la tentation de niveler, même de baisser les taux d'imposition, au plan mondial du moins, parce qu'au Québec, on les a augmentés, pourquoi c'est, en fait, peut-être en terminant, pourquoi c'est important de maintenir une fiscalité progressive? Mais en fait, c'est important parce que c'est ça qui maintient aussi une certaine j'ai beaucoup dit, hein, c'est une question de répartition, c'est une question de distribution, mais c'est une question aussi de capacité de se donner un choix collectif. Parce que si on se place sur un autre niveau, les tarifs à la consommation, les taxes à la consommation sont des choses qui ont plutôt tendance à nous isoler, hein. C'est chacun qui finance, oui, un service public, mais le finance à travers sa consommation personnelle, à travers sa vie individuelle. L'impôt sur le revenu nous oblige, au moment qu'on paie l'impôt et au moment qu'on discute collectivement dans le débat public des bons taux d'impôt à avoir, nous oblige de se positionner comme citoyen, comme citoyenne, mais aussi de se positionner comme personne qui appartient à une communauté, essayer de réfléchir sur quel sens nous voulons donner à l'évolution de cette société. Donc, l'impôt permet, dans le débat fiscal, de, disons, essayer de réintroduire une certaine notion de communauté, une certaine notion d'appartenance à une société. Et là, ça nous pousse à se poser les questions. Ça nous pousse à nous poser la question, est-ce qu'on veut une société plus égalitaire, moins égalitaire, plus solidaire, moins solidaire? Et là, ça force les débats publics, ça force les prises de position, et au final, ça force des discussions qui ne peuvent qu'être bonnes pour le débat public, et aussi ultimement, tout ça en essayant de mettre de l'avant, ben, comme je l'ai dit, des politiques de redistribution, des politiques plus égalitaires, et de se doter aussi d'un filet social, de services publics capables de répondre aux besoins sociaux de notre société, finalement. Merci beaucoup, Philippe Hurteau. Effectivement, ça fait de nous davantage des citoyens que des consommateurs, l'impôt. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle à nos auditeurs qu'on va reparler d'un autre sujet avec un chercheur de l'IRIS dans un mois. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors, c'était donc Philippe Hurteau. Philippe Hurteau qui est chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. On va maintenant passer à l'éditorial de Claude Vaillancourt. C'est un éditorial qui est en lien avec ce qui se passe actuellement sur la scène politique au Québec, non pas provinciale, mais municipale. On écoute Claude. Les gitans, bref, tous ceux qui sont différents. On nous avait annoncé des élections municipales différentes, avec les tempêtes soulevées par la commission Charbonneau et les révélations scabreuses à la chaîne. On croyait que les Québécois s'intéresseraient plus que jamais à leurs élus municipaux, en espérant pouvoir donner un bon coup de balai. Pourtant, en observant ce qui se passe un peu partout, les campagnes électorales dans les municipalités nous semblent désespérément ordinaires. Les belles promesses se succèdent, les candidats et les candidates font la roue, et on agit un peu comme si rien ne s'était passé. On entend toujours l'orage de la commission Charbonneau qui gronde, mais les cibles de ses audiences sont mouvantes. Et les odeurs nauséabondes de la corruption nous amènent tantôt vers le Parti libéral, tantôt vers la CAQ, tantôt vers la FTQ, sans qu'on puisse deviner d'où viendront les prochaines odeurs. Il faut dire qu'un vrai ménage est difficile à entreprendre. Et pendant qu'on devrait chercher des façons efficaces d'administrer une ville, de les mettre à l'abri des cupides, des mafieux et des escrocs, il y a des nids de poules à réparer et des ordures à ramasser. On a tout de même fait quelques bons pas dans la lutte contre la corruption en limitant et en contrôlant plus efficacement les dons faits aux partis politiques. Il est loin le temps où Jean Charest demandait à chacun de ses ministres de recueillir la jolie somme de 100 000 $. L'histoire nous a cependant appris que les lois sont souvent efficaces, mais que la corruption se trouve aussi des nouveaux moyens pour la contourner. Il faut donc trouver autre chose qui la découragerait à la source. ce qui est certes beaucoup demandé dans une campagne électorale qui a comme premier objectif pour chaque candidat d'engranger le plus grand nombre de votes possible. Rêvons tout de même à quelques propositions. La corruption coûte cher et il vaudrait la peine d'investir dans des experts, des ingénieurs, des inspecteurs qui permettraient d'évaluer la qualité des appels d'offres et de suivre pas à pas l'évolution des chantiers. Les bénéfices pourraient être considérables. Mieux que ça, on pourrait réduire les appels d'offres de façon significative. Les travaux seraient surtout accomplis par la ville, remplissant une mission de service public, ce qui nous débarrasserait des nombreuses entreprises vautours dont le but principal est d'encaisser de hauts profits, payés à même les taxes et les impôts des citoyens, et de les cacher dans les paradis fiscaux lorsqu'ils sont trop élevés. Pour avoir un véritable contrôle des marchés publics, les villes s'excluraient des accords commerciaux comme celui avec l'Union européenne, qui les oblige à s'ouvrir à la concurrence étrangère et à engager des firmes qui offrent le plus bas coût sans tenir compte d'autres considérations. Elles auraient ainsi moins de pression pour se lancer toujours, pour lancer toujours des nouveaux appels d'offres. En refusant ces accords, elles empêcheraient la venue de richissimes entreprises étrangères championnes pour emporter des appels d'offres, aussi tentées que nos mafieux locaux d'aller chercher de toutes les manières la plus grosse part du morceau. Sans ces compagnies, nos villes pourraient offrir un support dynamique à notre économie locale, elles favoriseraient les bons emplois et protégeraient de façon impeccable l'environnement. En faisant elles-mêmes le plus grand nombre de travaux, en engageant pour les faire des travailleurs compétents et bien payés, elles couperaient l'herbe sous le pied des magouilleurs. Les économies alimenteraient les salaires, qui permettraient de donner plus généreusement à l'impôt, qui lui-même pourrait diminuer en fin de course à cause des coûts réduits des travaux sans obligation de profit, d'une contribution plus généralisée et d'une évasion fiscale limitée. Ainsi, la fonction des élus serait changée. Ils cesseraient d'être des simples distributeurs de contrats bien juteux qui déclenchent toutes sortes de passions. Ils se consacreraient plutôt à de beaux projets pour leur ville et leurs électeurs. Tout ça, c'est trop beau pour être vrai? Ça demeure réalisable à condition de le vouloir. Malheureusement, on parle très peu de ces solutions dans les actuelles campagnes électorales dans les villes, mais regardez attentivement ce qui se présente. Est-ce que ça se pourrait que beaucoup d'entre eux, qui se sont épanouis dans le vieux système, n'aient ni l'intérêt, ni le courage, ni même la compréhension des choses pour apporter les changements nécessaires? Alors, je vous souhaite bon vote tout de même. C'est l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable qui est une émission produite par le collectif radio d'Attaque Québec et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL, mais aussi faire un don en ligne en vous rendant sur le site web www.ckrl.qc.ca. Merci de soutenir CKRL. Merci de nous soutenir. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bon. Comment va l'Europe, Cédric? Comment va l'Europe? On se revoit après un été, là. On peut être. Ben oui, ça fait plaisir d'être de retour. Écoute, en ce qui concerne l'Europe, c'est toujours pas la grande forme. Hein. On sent ça d'ici, sur le plan économique et politique, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Au niveau politique, c'est particulièrement évident ces temps-ci, parce qu'on assiste vraiment à une succession de crises plus ou moins graves selon les pays, mais qui illustre bien l'état de délabrement dans lequel se trouvent les institutions traditionnelles dans la plupart des pays d'Europe. On a qu'à évoquer évidemment, c'est pas anodin qu'elles soient particulièrement fortes, ces crises-là, en Grèce, en Italie ou au Portugal, où c'est là que la crise économique et donc politique est la plus aiguë. Évidemment, avec des contextes à chaque fois différents, mais il n'y a vraiment aucun pays, en fait, qui semble vraiment à l'abri, comme on voit la montée des diverses extrêmes droites, notamment en Autriche, mais aussi dans d'autres pays, comme en France, où c'est assez inquiétant. Et même en Allemagne, qui semble un peu le pays le plus stable pour l'instant, où Merkel vient d'ailleurs, Angela Merkel, hein, la chancelière, qui vient d'être réélue triomphalement, c'est quand même pas si clair, puisque en fait, il y a théoriquement une majorité de gauche au Parlement, donc elle est en minorité au Parlement, elle doit trouver un partenaire de coalition. Cédric, donc, peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus, peut-être ouvrir une parenthèse. D'ici, on a l'impression qu'elle a fait un triomphe électoral, effectivement, et malgré tout, elle se retrouve en situation de minorité, c'est curieux. Elle se retrouve en minorité, tout à fait. Donc elle a eu à peu près 40% des voix. Elle n'est pas passée très loin, hein, de la majorité, donc il faut quand même le reconnaître. Donc c'est leur meilleur résultat historique. Mais quand on décortique un petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est principalement des gains de voix qu'ils ont volés, qu'ils ont pris à leur ancien partenaire de coalition, le FDP, qui lui s'est totalement écroulé, donc il n'est même plus représenté au Parlement. Donc là, l'avancée que le parti d'Angela Merkel a fait, c'est principalement des voix qu'ils ont été prendre dans leur ancien partenaire. À côté de ça, on c'est, a... C'est le système proportionnel. C'est le système proportionnel. C'est le système proportionnel qui fait ça. C'est ça que je comprends. Voilà, exactement, exactement. Et donc, les voix ne sont pas attribuées au. Enfin, dans un système majoritaire, c'est celui qui a le plus de voix qui remporte la totalité de la mise, donc qui peut gouverner seul. Ici, dans ce cas-ci, chaque parti reçoit un nombre de sièges qui correspond en proportion de, du résultat qu'il a eu. Et donc, généralement, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir une majorité. Et il faut évidemment faire des coalitions pour pouvoir ensuite aller au Parlement et avoir la majorité. Ce que Angela Merkel est en train de faire, c'est de négocier avec le SPD, donc le Parti Social-Démocrate, qui est un petit peu le principal parti de gauche. De gauche, mais bon, de centre-gauche, très très centre, et plutôt même récemment centre-droit. Donc ça va probablement se négocier avec eux, mais en fait, si le SPD décidait de s'allier avec les Verts et avec la gauche radicale D-Link, eh ben, ils auraient en fait une majorité au Parlement. Donc c'est pas aussi clair que ça ce qui se passe en Allemagne, d'autant plus que c'est beaucoup la personnalité d'Angela Merkel qui fait que bon qu'elle incarne un petit peu cette espèce de stabilité, mais ça masque des grosses dissensions au sein de son parti, puisqu'elle a quand même, et ça aussi c'est une des raisons qui explique son succès, c'est qu'elle a récupéré pas mal de thèmes de la gauche, c'est-à-dire qu'elle s'est faite la championne de la sortie du nucléaire, donc ça a miné un petit peu le discours des écologistes. Elle a aussi repris la proposition du SPD d'une partie de la gauche d'imposer un salaire minimum en Allemagne, puisque pour l'instant, il n'y a pas de salaire minimum unique en Allemagne, il est négocié par branche. Et donc, tout ça lui a permis, de remporter pas mal de votes sur la gauche, mais du coup, ça irrite un petit peu l'aile dure conservatrice très à droite de son parti. Donc, ça bouge pas mal là-dedans, et même au niveau de sa politique européenne, elle est loin de faire l'unanimité au sein de son parti. Il y en a qui sont pro-Europe, il y en a qui préféraient que l'Allemagne sortir, voire sorte carrément de l'Union européenne. Donc, pour l'instant, la personnalité d'Angela Merkel parvient à assurer une certaine unité, mais ce n'est pas garanti à l'avenir, et donc ça pourrait encore tout à fait changer, quoi. Il y a des élections européennes aussi qui s'en viennent. Il y a, voilà, tout à fait. Il y a des élections européennes qui auront lieu, donc, au mois de janvier. On peut pas vraiment en attendre grand chose. Ça ne va pas susciter l'enthousiasme parce que c'est de toute façon traditionnellement pas le cas. Et en plus, étant donné le discrédit très profond dont souffre l'Union européenne, pour l'instant, il n'y a pas de raison que ces élections-ci mobilisent plus, d'autant plus qu'on continue sur le côté, je parle un petit peu du côté politique, mais au niveau économique, on continue de prôner au niveau européen exactement la même austérité mortifère qu'on applique depuis plusieurs années, en étant, à côté de ça, incapable de mener à bien les quelques rares réformes auxquelles l'Union européenne s'était engagée, notamment en termes de régulation financière. Et tout ça, c'est même sans parler du gros problème de désendettement des banques qu'on continue en fait de soigneusement ignorer, mais qui pose vraiment beaucoup plus de problèmes à l'heure actuelle que le désendettement des États. C'est pas la joie, donc. Si tu veux, on va revenir. Pour l'instant, c'est toujours pas. Oui, c'est ça. Ça semble plutôt morose, effectivement. Ouais. On sent ça d'ici quand on suit le moindrement la scène européenne. On va peut-être revenir sur les différents éléments que tu viens d'évoquer pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec la situation en Europe. Tu parlais de crise politique en Italie, en Grèce, au Portugal. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Mais donc en Italie, je suppose que vous en avez eu des échos. Ça, on en a beaucoup parlé. Le pays est resté suspendu pendant quelques jours, voire semaines, à un vote de confiance, donc qui devait décider du sort du gouvernement actuel, du gouvernement de l'État, qui est aussi un gouvernement de coalition qui tient à très peu de choses et dont fait partie en fait dans cette coalition le parti qui a été fondé par Silvio Berlusconi. J'allais dire Cédric. Vient d'être condamné, en fait. Oui, c'est ça. Donc qui le rend inéligible, et alors le Parlement a confirmé cette inéligibilité, et lui, refusant de s'avouer vaincu et donc de quitter la politique italienne, il a voulu entraîner son parti dans la confrontation et donc menacer au gouvernement de retirer sa confiance. Donc il a demandé à ce qu'on fasse un vote de confiance, on appelle. Donc si le gouvernement perd ce vote-là, eh bien ça tombe et il faut convoquer des élections. Donc évidemment, c'était l'énorme crainte en Europe, puisque l'Italie est quand même la troisième économie de l'Union européenne, et si elle retourne elle est en plus dans une situation économique extrêmement difficile pour l'instant, et si elle rajoute à ça une nouvelle crise politique, parce qu'il y en a déjà eu une juste après les élections, ils ont eu beaucoup de mal à former un gouvernement, mais ça a des applications pour l'ensemble de l'Union européenne, en fait, puisque du coup les marchés se tendent, les taux réaugmentent, et ça menace vraiment de sérieusement déraper. Donc finalement, le parti de Silvio Berlusconi l'a lâché et a voté la confiance. Ça a été très très juste. Mais la situation du gouvernement reste vraiment profondément instable, donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau dérapage au niveau d'Italie. Oui, on imagine ici au Québec, je sais pas, dans la ville de Montréal par exemple, si quelqu'un comme Applebaum, qui vient d'être, semble-t-il, impliqué dans tout un réseau là de corruption, avait décidé de demeurer quand même, malgré tout, conseiller, tout en étant plus maire, mais en voulant contrôler le conseil municipal de Montréal. C'est un petit peu l'équivalent pour du côté de Berlusconi. Oui, c'est un petit peu ça. Oui, non, c'est hallucinant, parce que ça fait des années que Silvio Berlusconi traîne des ennuis judiciaires, et il continue d'afficher le même aplomb, et malheureusement, il y a une partie de la population italienne qui le suit et qui est prêt à lui accorder sa confiance. Donc lui présente ça comme un complot de juges socialistes, hein, c'est sa grande stratégie de défense, mais je crois qu'il est actuellement impliqué dans à peu près 4 ou 5 procès différents. Celui-ci, il l'a perdu, il a été condamné, mais voilà, il refuse de se retirer je crois à plus de 70 ans, et avec tous ces ennuis judiciaires, c'est vraiment une anomalie dont, à l'inverse, beaucoup d'Italiens sont vraiment honteux, hein, par contre. Il y en a plus qui sont honteux de la situation Berlusconi que contents. Du côté de la Grèce, maintenant, il y a un rappeur de gauche qui a été assassiné par un militant d'extrême droite, si j'ai bien su. Oui, tout à fait. Oui. La Grèce aussi est vraiment en train de bouillonner. Bon, c'est récurrent, hein, évidemment, avec la gravité de la crise qui intervient là-bas, mais là, c'est vraiment au niveau politique. Donc il s'appelait Pavlos Fissas, hein, c'est un rappeur et un militant de gauche très engagé. Il a été poignardé près d'Athènes il y a un peu plus de 2 semaines par donc un militant du parti néo-nazi qui s'appelle Obdoré, qui a fait 7% des voix quand même aux dernières élections, et donc qui est entré au Parlement avec 18 députés. Quand on dit néo-nazi, c'est vraiment néo-nazi, droite extrêmement dure. Donc ce drame-là a heureusement, si on peut dire, servi d'électrochoc, hein. Il y a vraiment une prise de conscience, notamment au niveau de la classe politique qui jusque-là laissait étrangement faire. Il laissait un petit peu ce parti-là infiltrer et prendre de l'emprise sur la société grecque, c'est très inquiétant. Donc ça a mis, ce crime-là a permis de mettre en lumière l'influence croissante de ce parti-là, et notamment au sein de la police, où en fait il a fait 7% aux élections, mais au sein de la police il a fait 20%. Donc il a été accusé de complicité au sein de la police qui n'intervenait pas au moment de leurs manifestations, de leurs diverses expéditions punitives dans les quartiers immigrés où ils avaient tabassé en gros de l'immigré dans des banlieues pauvres d'Athènes et de la Grèce. Donc tout ça avait bénéficié d'un certain laisser-aller. Maintenant, ici, avec ce qui vient de se passer, il y a eu des manifestations de soutien assez considérables. Et donc, il y a toute une entreprise de criminalisation du parti néo-nazi qui est en train de se mener. Il y a le chef qui a été arrêté, plus différents députés. Alors, ce que ça pose en fait comme question, c'est que il est écrit dans la constitution grecque qu'il doit y avoir 300 députés au Parlement. Donc, si ces 4 députés-là se font accuser et donc se voient retirer leur mandat, il faudra probablement reconvoquer des élections en Grèce. Donc, de nouveau, ça recrée de l'instabilité puisque le gouvernement actuel ne tient plus qu'à un fil aussi, puisque sur sa gauche, il y a de plus en plus de défections. Or, selon les sondages, c'est le parti de gauche radical Syriza qui est arrivé deuxième très très près la dernière fois, mais qui cette fois-ci serait devant. Donc ça impliquerait vraiment un changement politique majeur en Grèce, et forcément avec des implications pour le reste de l'Union européenne. Donc on n'a pas encore fini d'entendre parler de la Grèce. Non, l'instabilité va être là pour quelques années encore. Côté du Portugal maintenant. Oui, mais le Portugal, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes genres de scénarios. Les partis au pouvoir viennent de prendre une grosse claque aux élections municipales. Donc la coalition actuellement au pouvoir est extrêmement fragilisée, elle l'était déjà avant, mais là ça vient vraiment de le conforter. Par contre au Portugal, il n'y a pas vraiment d'alternative claire qui se dégage, et d'ailleurs aux élections municipales, on a vraiment pu voir ce fait-là dans la multiplication des candidatures indépendantes des partis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont présentées sans affiliation avec la partie, donc ça témoigne vraiment d'un ras-le-bol vis-à-vis des partis traditionnels. Ici, le pays est vraiment exsangue, puisqu'il y a des manifestations monstres qui continuent. Et les résultats économiques de l'austérité qu'on impose au Portugal et qu'on présentait pourtant comme un des bons élèves ne sont absolument pas au rendez-vous. Donc ça maintient aussi un climat d'instabilité et de d'écœurement et de ras-le-bol au Portugal vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. Là, on a vu ces différents contextes. On sent qu'il y a une toile de fond au-delà de ça, une espèce de désaveu d'une ligne politico-économique incarnée par les institutions européennes. Oui. Tantôt, tu évoquais la tenue de l'élection européenne, mais visiblement, sans te faire trop d'illusions sur les changements qui pourraient en découler. Pourquoi? Mais pourquoi, en fait, il faut d'abord savoir qu'au niveau européen, le Parlement qui est élu, c'est la seule institution européenne qui est élue directement au suffrage universel, hein, le Parlement européen. C'est pas le cas des autres institutions qui ont pourtant un pouvoir énorme, donc la Commission européenne, qui est un petit peu l'équivalent de l'exécutif européen, le Conseil, qui est en fait avec le Parlement l'instance législative, et la Banque centrale européenne non plus. Le directeur de la Banque centrale n'est pas élu. Il est nommé par la Commission sur conseil, c'est sur avis des différents États. Le problème, c'est que le Parlement, donc, qui est la seule institution européenne qui pourrait prétendre un petit peu de légitimité, en fait, elle a un rôle relativement secondaire en Europe, puisque c'est la Commission qui peut proposer des lois. On dit que la Commission a le monopole de l'initiative législative, ce qui est très particulier, hein, imaginez dans un pays où, en fait, c'est l'exécutif qui seul peut proposer des lois, le Parlement ne peut que se prononcer sur les propositions de l'exécutif. D'ailleurs, il peut se prononcer généralement en consultation ou alors en co-décision avec le Conseil, qui est donc l'autre instance qui peut décider au niveau législatif et qui, elle, composée des chefs d'État, en fait, des représentants de différents pays. Oui. Et donc, tout ça implique que, quand bien même il y aurait un changement radical de majorité politique au Parlement européen à la suite des élections, ce qui est très peu probable, ça n'aurait absolument pas de conséquences mécaniques sur la ligne politique de l'Union européenne dans son ensemble. Puisque précisément l'Union européenne a été dessinée de manière à verrouiller toute une série d'orientations économiques et politiques dans le béton et de la soustraire à l'influence d'un éventuel changement démocratique au niveau du Parlement. Donc c'est aussi pour cette raison-là, comme je disais, que les élections européennes font traditionnellement l'objet d'un profond désintérêt de la part des citoyens. Et quasiment, les taux de participation sont ridiculement bas. Et c'est généralement beaucoup plus les différents contextes politiques nationaux qui pèsent dans les élections européennes que vraiment l'existence d'un débat qui serait proprement européen et qui se situerait au niveau européen. Donc ça affecte évidemment la légitimité du Parlement et ça signifie aussi que dans le contexte actuel, l'avenir de l'Europe en fait se joue beaucoup plus au sein des États et dans les relations que les États entretiennent entre eux qu'au niveau des institutions européennes et du Parlement. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment attendre grand-chose des prochaines élections, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est sûr qu'un choc au niveau du Parlement pourrait donner un petit signal et impulser une nouvelle dynamique, mais c'est très peu probable. Justement, à propos des États qui peuvent donner une nouvelle dynamique à l'Europe, tu as évoqué les résultats des élections en Allemagne, la large victoire de Merkel. Je suppose que ça va rendre d'autant plus difficile un changement de cap significatif en Europe. Ben oui, tout à fait. C'est très probable. Maintenant, justement, comme on en a parlé au début, il faut faire attention aux interprétations qu'on donne à cette victoire-là. Le triomphe de Merkel ne signifie pas spécialement que l'entièreté de l'Allemagne est d'accord avec sa ligne européenne, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc on n'est pas... Il faudra voir comment la situation là va évoluer, la popularité d'Angela Merkel et les jeux politiques entre la gauche allemande peuvent quand même influencer éventuellement une position allemande, mais c'est vrai que pour l'instant ça incarne vraiment une instabilité et c'est les Allemands qui demeurent les maîtres un petit peu de la donne européenne et qui imposent donc une ligne extrêmement dure et conservatrice, quoi. Pour conclure, tu as également mentionné l'entêtement européen dans une stratégie économique qui donne que peu de résultats, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ben oui, comme tu dis, c'est effectivement les résultats de la politique économique européenne à l'heure actuelle, c'est une véritable catastrophe à tous les niveaux. Bon, économique, c'est assez clair, mais au niveau social, c'est vraiment aussi une hécatombe. Donc, c'est particulièrement clair dans les pays sous tutelle comme la Grèce, l'Irlande ou le Portugal, dont les politiques économiques, là, sont vraiment dictées par l'Union européenne. Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre au niveau de leur politique économique. Donc, c'est quand même assez grave. Mais le problème, en plus, c'est que les résultats sont absolument pas là. Il y en a aucun qui est à même de respecter les délais qui leur sont imposés. Donc, ils sont tous en train de solliciter des exemptions, des délais prolongés, etc. Et il y en a aucun qui pourra revenir sur les marchés aux dates qui avaient été annoncées par l'Union européenne. Donc, ça place la Commission et les autres bailleurs de fonds européens dans une position un petit peu difficile, puisque soit ils reconnaissent qu'ils font n'importe quoi depuis plusieurs années et ils changent de ligne, ce qui est très peu probable, ou alors ils s'entêtent, hein, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils s'entêtent dans cette même ligne-là, mais ils essayent de sauver la face comme ils peuvent en multipliant les bricolages et les faux fuyants. Donc ça, c'est un premier problème. Maintenant, même cette contrainte-là d'austérité, elle pèse de toute façon sur l'ensemble des pays européens, sous tutelle ou non. Elle pèse sur eux de manière indirecte, sur les autres, à travers les mécanismes de contrôle qu'on a renforcés justement sous la pression allemande et qui permettent de vraiment faire pression sur les États pour qu'ils maintiennent une ligne économique extrêmement dure et austéritaire, comme on dit. Donc c'est un petit peu voilà, compliqué puisque les résultats de nouveau dans ces pays-là sont aussi catastrophiques hein, et dramatiques sur le plan social. Et ça passe d'autant plus mal que, comme je le disais, du point de vue du désendettement des banques et surtout de la régulation financière, on n'a pratiquement pas avancé au niveau européen. Ce qui fait qu'accentuer d'ailleurs la probabilité qu'une nouvelle crise surgisse parce que les problèmes de fond qui ont été à l'origine de la crise, que ce soit en Europe et ailleurs d'ailleurs, ne sont absolument pas réglés. Et bon, il y a de plus en plus d'analystes comme Frédéric Lordon par exemple qui estiment que en fait c'est ce qu'il faudrait, une nouvelle crise pour cette fois vraiment obliger les États à reprendre en main une finance qu'ils n'auront de toute façon pas les moyens de sauver deux fois hein, comme en 2008. C'est-à-dire ouais. si on a à nouveau un crash financier, les États dans leur situation économique actuelle ne pourront pas venir au secours de la finance comme ils l'ont fait en 2008 et donc ils seront obligés en fait de la reprendre en main puisqu'il n'y aura plus d'autres possibilités. Donc c'est vrai que quand on voit l'actualité en Europe, mais aussi ailleurs, hein, on voit l'actualité aux États-Unis à l'heure actuelle avec les débats récurrents sur la dette et le shutdown actuel, la situation même de la Chine, du Japon, de l'Amérique latine qui ont des problèmes au niveau de leur monnaie, on se dit qu'en fait les analystes estiment qu'une nouvelle crise serait peut-être nécessaire pour vraiment nous imposer des refondes vraiment radicales ce coup-ci, mais ils n'ont peut-être pas tort. Oui, effectivement, ils n'ont peut-être pas tort, comme tu dis, sauf qu'il y a des millions de personnes qui risqueraient d'en souffrir, malheureusement. Merci beaucoup, Cédric. C'est tout le temps dont on disposait. On va se reparler dans un mois. En souhaitant qu'il y ait une petite amélioration des choses d'ici là. Ah, on l'espère, oui. Promis, je vous en parle. Ouais. Au revoir. Oui, au revoir. À bientôt. Voilà, donc c'était Cédric Leterme qui nous parlait directement depuis la Belgique sur la situation européenne, une situation qui n'est pas jojo, comme vous avez pu le constater. On fait une légère pause musicale. Quelques événements à surveiller cette semaine, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Je crois qu'ils ont changé de nom, ça ne s'appelle plus comme ça. Maintenant, je vais vérifier. La prochaine fois, je vous donnerai le nom, le nouveau nom du réseau du Forum social. Vous avez ce calendrier sur réseauforum.org, en un seul mot, réseauforum au singulier.org, par oblique grille, traduction calendrier. Toujours au singulier. Dans une demi-heure, vous avez peut-être le temps de vous rendre, si vous n'êtes pas loin, c'est à Beauport, au Centre communautaire des Chutes. C'est Pierre Ducasse qui présente « Pour une économie démocratique ». Ça, c'est son dernier ouvrage. Donc, vous avez la chance de jaser avec lui de cet ouvrage qui propose une voie différente pour l'économie. Alors, justement, c'est dans la foulée de ce qu'on jasait avec Cédric Leterme. Ensuite, le 6 octobre à 9h, course à la vie, course et marche bénéfique pour le cancer du sein. Ça, c'est sur les plaines d'Abraham. Plus évidemment, vous pouvez vous inscrire pour courir, mais vous pouvez vous rendre sur place à compter de 9h pour encourager les participants, les ceux qui vont courir pour la vie. Pour une bonne cause, la Fondation canadienne du sein. Toujours le 6 octobre, 10h30, marche de proclamation des valeurs autochtones au Québec. Ça, c'est Idle No More qui organise ça. C'est au parc Quartier Brébeuf. Un parc qui commémore justement la présence des autochtones bien avant que nous y soyons, les populations ici européennes et des autres lieux du monde. Donc, le rassemblement au parc Quartier Brébeuf, il va y avoir évidemment une marche, donc il va y avoir un trajet qui va vous être, tout ça va vous être expliqué sur place. Ensuite, il y a le 7 octobre à 17h30, manquez pas ça, le gros show, la Choc Radio au Théâtre Périscope, mais aussi à la radio ici à CKRL. C'est à compter donc de 17h30. C'est une émission C'est une émission qui se veut un peu, disons, une parodie d'une certaine radio Québec, de Québec. Ensuite, le 8 octobre, changement climatique, les enjeux des négociations internationales. Ça, c'est à l'Université Laval, au pavillon Charles de Coninck, ou à la salle 3470 de Coninck. C'est à 11h30, donc l'entrée est libre. Où vont les négociations climatiques? Sandra Maillé-Jean Dubois, qui est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études et de recherche internationale et communautaire à Aix-Marseille Université, professeure spécialisée aussi en droit de l'environnement. Ça risque d'être une conférence qu'il faudrait, en tout cas qu'il faudrait tous suivre. Rencontre d'informations sur le projet de l'oléoduc d'énergie Est de TransCanada à l'ENAP le 9 octobre à 19h. L'ENAP, c'est au 550 boulevard Charest Est. Et donc, c'est Stephen Guilbeault et Geneviève Aude Puska d'Équiterre et Kim Cornelissen, vice-président de l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique qui va avoir lieu, qui vont être présents pour cette rencontre à l'ENAP le 9 octobre à 19h. Le 10 octobre à 18h30, rapport des impacts des coupures à l'aide sociale. Ça, c'est à la salle communautaire au deuxième étage du 435 rue Duroy. Et c'est Christian Loupret qui, depuis 15 ans, conseille des personnes ayant des difficultés avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Il y a une expertise reconnue à travers le Québec. Il va donc faire un rapport sur les impacts des coupures à l'aide sociale. Et ça, c'est dans le but de préparer les gens à la manifestation du 17 octobre lors de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Voilà donc pour certains des événements qui ont lieu dans la région cette semaine. Merci à notre invité de cette semaine, M. Philippe Hurtaud, chercheur de l'IRIS. Merci également à notre chroniqueur Cédric Leterme. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Les enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Vous trouverez www.quebecattaque.org. Vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Vous pouvez aussi trouver les enregistrements sur le blog legraindesable.qc.org. Vous trouverez aussi divers liens Internet de ceux dont on vous a parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook et aussi un compte Twitter. Réagissez-y, ça nous ferait grandement plaisir de vous lire. Sur le blog, nous avons mis un lien pour vous rendre à la fois sur la page Facebook, sur le site Twitter et aussi sur le site d'Attaque Québec, et même sur le site de CKRL. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse legraindesable@yahoo.com ou directement sur notre blog. Il y a un endroit où vous pouvez faire. Vous pouvez nous écrire, faire vos commentaires. C'est Michel Lemonnette qui vous souhaite de passer une excellente semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit, les Cheeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.